Ces images paraissaient incroyables. Un président américain applaudi par une foule de jeunes Vietnamiens enthousiastes et la bannière étoilée flottant dans les rues de Hanoï. 25 ans seulement après la fin d'un conflit qui a fait 3 millions de victimes au Vietnam et dont les traces sont encore visibles dans la nature et les chairs des mutilés ou encore des victimes des effets des défoliants, le terrible agent Orange. 25 ans après une guerre interminable où les États-Unis ont eux-mêmes perdu quelque 60 000 hommes et qui s'est terminée par une formidable humiliation. Pour la première fois, la superpuissance occidentale était vaincue, vaincue par un petit peuple dont les moyens militaires étaient dérisoirement disproportionnés. C'était donc il y a quelques semaines lorsque Bill Clinton a effectué un voyage officiel au Vietnam et on assistait, comme l'a justement écrit Jean Daniel dans Le Nouvel Observateur, à une exceptionnelle accélération de l'histoire. Lorsqu'au détour d'une de nos récentes conversations, j'ai abordé ce sujet avec Monsieur X, en exprimant mon étonnement devant l'accueil reçu au Vietnam par Clinton, mon interlocuteur a souri et il m'a dit, assez mystérieusement, les rapports entre les révolutionnaires vietnamiens et les Américains ont toujours été assez compliqués, parfois même très surprenant. Je vous raconterai un jour. Que voulait-il dire? J'ai compris qu'il me faudrait, comme d'habitude, être patient. Et cette semaine, enfin, Monsieur X a choisi d'évoquer ce sujet. Et il m'a révélé en particulier que Ho Chi Minh, la légendaire figure du nationalisme vietnamien et l'homme qui a incarné la lutte des pays sous-développés contre les puissances occidentales, avait eu autrefois des rapports avec les services secrets américains. Mais pourquoi donc? Celui qui allait devenir l'un des ennemis les plus résolus des États-Unis avait-il d'abord bénéficié du soutien américain? Dans un instant, la réponse de Monsieur X. La figure essentielle de cette histoire, c'est bien sûr Ho Chi Minh. Mais l'oncle Ho. Oui, l'oncle Ho, comme l'appelaient affectueusement ses compatriotes, qu'il nommait d'ailleurs ses neveux. C'est un homme prodigieusement habile qui a construit avec beaucoup d'intelligence ce personnage débonnaire et simple de père de la patrie. Vous pensez qu'il y avait de l'affectation là-dedans? Sans nul doute. Ho Chi Minh n'était pas un tendre. Il l'a montré à de nombreuses reprises. C'était un idéologue redoutable et sans pitié, mais qui pouvait aussi se montrer très pragmatique lorsqu'il le fallait. Toutefois, c'est vrai, tous les gens qui l'ont rencontré en ont témoigné qu'il avait beaucoup de charme et d'humour. Et au cours de sa longue vie, il a beaucoup usé de son charme. Il avait succès la plupart du temps. Ho Chi Minh, c'est pas son nom, hein? Ho Chi Minh, ça veut dire à peu près celui qui éclaire. Un pseudonyme parfaitement symbolique. Tout à fait. En Orient, il ne faut jamais sous-estimer l'importance du symbolisme. Mais vous le savez sans doute, l'oncle Ho, comme nombre d'autres militants révolutionnaires, a souvent changé de patronyme. Avant de se faire appeler Ho Chi Minh, il était ainsi connu sous le nom de Nguyen, le patriote. Ouais. C'est pseudo. C'était aussi pour des raisons de sécurité. Bien entendu. Ho Chi Minh a longtemps été un militant clandestin. Et encore aujourd'hui, certaines périodes de sa vie demeurent mystérieuses. Mais quel était alors son vrai nom? Nguyen Sinh Cung. Il est né en 1890. Comme le général de Gaulle. Oui. Et il est mort en 1969, un an avant le général. Moi, je vous disais donc qu'il est né en 1890 au Tonkin, dans une famille de lettrés. Des gens qui étaient très hostiles au pouvoir colonial. Un pouvoir colonial qui était d'ailleurs très récent. En effet, c'est dans les années 1880 que les Français ont conquis l'Annam et le Tonkin. Et le jeune homme partage les opinions de sa famille. Évidemment. Quand il a une vingtaine d'années, celui qui deviendra Ho Chi Minh s'embarque pour l'Europe, comme être cuisinier sur un paquebot français. Il n'a pas fait d'études? Si, il est allé au lycée et il a déjà beaucoup lu. Tous ceux qui l'approcheront seront frappés par sa grande culture. Mais alors, en Europe, que vient-il faire? Je pense qu'il vient découvrir le vaste monde, et aussi gagner sa vie, car sa famille n'a guère d'argent. En tout cas, il voyage beaucoup. L'Égypte, l'Angleterre, et sans doute aussi les États-Unis. Et en 1917, on le retrouve à Paris. C'est déjà un militant? En tout cas, très vite, il prend contact avec les principaux dirigeants de la SFIO, et il adhère au Parti Socialiste. C'est à cette époque qu'il prend le nom de Nguyen, le patriote. et écrit à l'occasion dans le journal L'Humanité. Ouais, il milite donc contre le colonialisme, c'est j'imagine. Exact, enfin, oui. Ouais. Et ça lui vaut naturellement d'être surveillé par la police, qu'il considère comme un dangereux agitateur. Et pendant la guerre, alors, que fait-il? Écoutez, franchement, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que le jeune homme participe au congrès de Tours en 1920. Il en profite pour dénoncer violemment le colonialisme et l'exploitation dont son pays est la victime. Mmh. Et au cours de ce congrès, quel camp choisit-il? Celui de Moscou et de tous ceux qui vont créer le Parti communiste français. C'est-à-dire contre les minoritaires qui, eux, vont rester à la CFIO. C'est ça, oui. Et ensuite? Ho Chi Minh va devenir une sorte de voyageur de commerce de la Révolution. C'est un agent du Comintern. Assurément. Mmh. Et sous divers pseudonymes, il ne cesse de se déplacer en URSS, en Chine, dans l'Asie du Sud-Est asiatique et sans doute clandestinement dans son propre pays. Mais c'est à Hong Kong, en 1930, qu'il fonde le PCI, le Parti communiste indo-chinois. Ça lui vaut d'ailleurs d'être condamné à mort par les Français. À mort? Mais pour quelle raison? Cette création du Parti communiste indo-chinois est suivie de troubles très sérieux en Indochine. Quoi qu'il en soit, Ho Chi Minh est arrêté et emprisonné par les Britanniques à Hong Kong. Hong Kong, longtemps? Non, quelques mois. Il échappe à l'extradition vers l'Indochine et est expulsé de la colonie britannique. Puis on perd de nouveau sa trace. Décidément, hein. Enfin, on ne sait pas du tout où ça se trouve? Vraisemblablement à Moscou, mais il ne doit pas y rester en permanence. Des voyages toujours? Oui, en Chine en particulier. Il cherche à gagner le Kuomintang de Chiang Kai-shek à sa cause. C'est-à-dire la lutte contre le colonisateur, bien sûr. Ça, ouais. Avec succès? Les Chinois n'ont pas très envie d'en découdre avec la France. Mais il lui offre quand même une certaine aide matérielle. Et en 1938, Ho Chi Minh s'installe en Chine, à proximité de la frontière sino-vietnamienne. Toutefois, en 1942, changement de ton. Le gouvernement de Chiang Kai-shek emprisonne Ho Chi Minh. Pour quelle raison exactement? Le Kuomintang, au fil des années, est devenu de plus en plus anticommuniste. Et Chiang Kai-shek se méfie de cet agitateur indo-chinois qui prêche tout autant la révolution que la lutte pour l'indépendance. Alors ça veut dire que pour la deuxième fois de sa vie, Ho Chi Minh est en prison. Et dit-on, il en profite pour lire et écrire des poèmes. Ouais, poèmes. Légende? Je ne crois pas, je vous l'ai dit, l'oncle Ho était réellement très cultivé. Mais je voudrais revenir en arrière, car j'étais un petit peu rapide. Ah ben, je vous en prie, allez-y. Hein. En 1939, en Indochine, comme en métropole, le Parti communiste a été interdit. La décision a été prise d'autant plus facilement par les autorités que l'objectif prioritaire des communistes vietnamiens était la lutte contre le colonialisme français. Oui, mais dites-moi, quelle était alors l'importance de l'influence communiste en Indochine? Difficile à dire. D'abord, après l'interdiction du parti, de nombreux militants avaient été arrêtés, et donc neutralisés. Mais en septembre 1940, au moment où les Japonais attaquent les forces françaises à Lang Son et où l'on constate la faiblesse de notre armée d'Indochine, des communistes vietnamiens qui n'ont pas été arrêtés en profitent pour passer à l'action et déclenchent des troubles dans le nord, au Tonkin et dans le sud, en Cochinchine. Les résultats? Notre armée coloniale en déroute réagit avec une grande fermeté. Ouais, c'est-à-dire plus efficacement que contre l'ennemi japonais. Certainement, la répression est féroce. Plusieurs milliers de personnes sont arrêtées et des dizaines de condamnations à mort sont prononcées et exécutées. À cet instant, pour répondre à votre question, c'est certain, le Parti communiste indochinois est exsangue. Et Ho Chi Minh lui-même, alors? Mais il se trouve en Chine, et il tire les leçons de ce soulèvement prématuré, il saura s'en souvenir. Ouais. Après cette affaire de Lang Son, alors les Japonais vont donc occuper l'Indochine, c'est ça, hein? Pas tout à fait ça. Les troupes japonaises sont là, c'est vrai. Mais il existe une curieuse cohabitation avec les autorités coloniales françaises. C'est-à-dire? Ce que veulent les Japonais, ça durera jusqu'en mars 1945, c'est utiliser les aérodromes, les ports, bref, c'est la position stratégique de l'Indochine qui les intéresse. Mais ils laissent l'administration et le pouvoir politique aux autorités françaises. Des autorités, rappelons-le, qui ont fait allégeance à Vichy. Curieuse quand même, hein, cette cohabitation. Vous avez raison. Et l'amiral de Kou, le gouverneur général nommé par Pétain, ira même jusqu'à envisager une intervention militaire en Nouvelle-Calédonie contre les gaullistes qui viennent d'y prendre le pouvoir avec l'aide de la marine japonaise. Son intervention, c'est avec l'aide de la marine bien japonaise. Bien sûr, oui. Alors, on peut parler de collaboration. Ça y ressemble, en effet, oui. Mais que voulez-vous, pour les autorités françaises, l'essentiel est que la colonie demeure la colonie et que les intérêts économiques des colons soient préservés. Alors, quelle est l'attitude des communistes vietnamiens face à ce qui ressemble tout de même à une occupation? Dans un premier temps, les communistes entendent tirer parti de la rivalité entre les Français et les Japonais. De leur point de vue, ça paraît assez logique. Mais plus tard, ils prendront une position nettement plus offensive contre les fascistes nippons, comme ils les appellent, sans cesser pour autant d'oublier leur combat anticolonialiste. Comment expliquez-vous cette évolution? Sans doute parce que Ho Chi Minh est en relation avec une étrange association qu'on appelle FB3. Qu'est-ce que c'est que ça? Une association secrète d'inspiration franc-maçonne où l'on trouve en particulier des Américains. Des hommes qui vont bientôt rejoindre l'OSS, c'est-à-dire les services secrets américains. En attendant d'en apprendre un peu plus sur ce ou cette mystérieuse FB3, je vous propose quelques informations sur cet amiral Dekou, gouverneur général de l'Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale. J'extrais ces quelques lignes d'un passionnant ouvrage de Philippe Franchini, « Les guerres d'Indochine » paru chez Pygmalion. L'amiral est à vrai dire peu avenant, mais d'une dignité et d'une réserve qui en impose, sûr de ses options, obstiné, il a un sens indestructible du devoir. C'est un marin, avec ce que cela implique de tradition et d'orgueil, surtout en cet Extrême-Orient qui a été si longtemps l'apanage de la glorieuse royale. Héritier des amiraux de la conquête, il en fait revivre les manières, en particulier dans ce palais des gouverneurs bâti à Saïgon par l'amiral de la Grandière. Imbu de la grandeur de l'Empire, il est d'un patriotisme absolu. La division des Français, l'attitude des Britanniques, ces éternels rivaux des mers lointaines, la tragédie de Merzel-Kébir ont pesé lourdement sur son choix politique. Son engagement dans la révolution nationale du maréchal Pétain est sans faille et durant les premiers temps quelque peu excessif et ostentatoire. Il crée une légion des combattants et des volontaires de la révolution nationale à laquelle il tient à voir s'inscrire tous les fonctionnaires. Il épure l'administration des Juifs et des francs-maçons, de même qu'à bord d'un navire, la mutinerie est gravement réprimée, il sévit avec dureté contre toute dissidence et vitupère violemment les gaullistes, jetant sans ménagement en prison ceux qui veulent partir rejoindre la France libre. Voilà donc l'homme qui administre alors l'Indochine sous le contrôle tatillon et officieux des Japonais. Mais revenons à FB3. Que dissimulait cet étrange sigle ? FB3 a été créé en Indochine au milieu des années 30. Mais ça veut dire quoi, FB3 ? FB, c'est une abréviation pour Free Brothers. Les frères libres, quoi. C'est ça. Ouais. Quant au chiffre 3, je ne sais plus, mais enfin, ça n'a aucune importance. Vous avez parlé de franc-maçonnerie, hein ? Oui, ses membres, au moins au début, sont des francs-maçons, de diverses obédiences. Mmh. Mais quels sont les objectifs poursuivis par FB3 ? Il y en a essentiellement deux. D'abord, il s'agit de lutter contre l'impérialisme japonais. Ouais, très agressif au cours de ces années 30. Oui, puisque dès 1931, l'armée japonaise envahit la Mandchourie. Puis ce sera l'entrée en Chine et toutes les atrocités que vous connaissez. Et le deuxième objectif de FB3 ? C'est la lutte contre le colonialisme européen en Asie. Et qui sont les membres alors de cette association secrète ? C'est très hétéroclite. On y trouve des officiers français. Ah bon ? Qui, par exemple ? Le futur général Salan en aurait fait partie. Mais le véritable fondateur est un lieutenant français, Vidal, très lié à l'église caodaïste. C'est une église vietnamienne, ça ? Mi-religion, mi-secte, oui. Il y a aussi AFB3, des intellectuels européens, des nationalistes vietnamiens, des japonais hostiles à la politique expansionniste et militariste de leur pays, et puis des américains. Les américains, nous y voilà. Oui, très intéressant, ces américains. Ce sont d'abord des représentants de l'industrie pétrolière installée en Indochine ou en Chine. Ouais, ceux-là, en luttant contre le colonialisme européen, ne sont peut-être pas tout à fait les intéressés. On peut en effet se poser la question. Enfin, à FB3, on rencontre également d'autres Américains, des officiers, et pas des moindres. Qui est là ? Deux hommes qui vont devenir généraux au cours de la Seconde Guerre mondiale. Chenault, le futur leader de la fameuse brigade aérienne des Tigres Volants, et Stilwell, qui en tant que chef d'état-major de Chiang Kai-shek sera avec Montgomery l'un des plus grands animateurs des armées alliées en lutte contre les Japonais. Ouais, du beau monde, donc, hein. Oui, et puis il y a un personnage remarquable, William Donovan. Ça me dit quelque chose, qui est-ce déjà? Donovan est un remarquable juriste. Cet homme qui a combattu en France comme officier pendant la Première Guerre mondiale a beaucoup voyagé. Et il a à cette occasion rempli des missions de renseignement pour le gouvernement américain. Et c'est lui qui va créer, au début des années 40, le premier vrai service secret des États-Unis, le célèbre OSS. Ouais, c'est-à-dire l'ancêtre de la SAI, hein. C'est exact, ouais. Oui. Et Donovan est donc un membre important de FB3. Oui. Et vous m'avez dit quels étaient les objectifs poursuivis par FB3, mais dans les faits, comment cette organisation secrète agissait ? Tous ses membres étaient des gens influents, mais l'essentiel n'était pas là. Peu à peu, FB3, qui avait aussi une branche chinoise très active, va devenir une sorte de service de renseignement. Un service anti-japonais. Et très lié aux divers mouvements nationalistes. Mmh. C'est ainsi que FB3 va être amené à avoir des contacts avec Ho Chi Minh ? Exactement. Mmh. Et le fait que Ho Chi Minh soit communiste ? Oh, ça ne fait apparemment pas peur aux membres du FB3. Même à ses membres américains ? Oui. Ce qui compte, c'est la lutte contre l'ennemi commun, c'est-à-dire le Japon. Et bien sûr aussi le colonialisme. Mais je dois dire que Ho Chi Minh très habilement se garde bien de mettre en avant ses convictions communistes. Et plus tard, il n'hésitera pas à affirmer à ses contacts américains qu'il n'a jamais été communiste. Ceux-ci seront dupes. Oui, l'oncle Ho, je vous l'ai dit, avait beaucoup de charme. Et il pouvait être très persuasif lorsqu'il le fallait, mais enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, d'accord. J'ajoute que c'était d'autant plus facile à Ho Chi Minh de brouiller les pistes qu'il avait toujours vécu sous divers patronymes. Et qu'à l'époque, on avait très peu de détails sur sa vie mystérieuse. C'était quand même le chef du Parti communiste indochinois. Un parti clandestin, donc mal connu. Et puis assez rapidement, en 1941, le PCI va disparaître pour laisser place au Viet Minh, c'est-à-dire le Parti pour l'indépendance du Vietnam. Ouais, c'est encore un fondé, ça. Bien sûr. Mais officiellement, c'est un front commun des nationalistes vietnamiens qui regroupe tous ceux qui veulent bien lutter contre les fascistes français et nippons. Les fascistes français? Le pouvoir vichiste, naturellement. Ah, ouais. Et ses représentants en Indochine. Mais écoutez bien, dans son programme, le Viet Minh n'évoquait plus la lutte des classes et se proposait de s'allier avec les démocraties qui combattaient le fascisme dans la région, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis et la Chine. Oui, un programme qui pouvait convenir aux membres de FB3. Tout à fait. Et une véritable alliance en bonne et due forme a été signée entre l'organisation secrète et le Viet Minh. Ça a permis aux hommes de l'oncle Ho de recevoir des armes. Ces armes étaient-elles fournies par FB3? Oui, je pense qu'elles ont été payées par les pétroliers qui faisaient partie de l'organisation. Avec l'accord de William Donovan. Ce sont donc les Américains. Les Américains, oui, ça ne manque pas de sel, n'est-ce pas? Ouais, surtout quand on connaît la suite. Enfin, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit plus haut, là. Chiang Kai-shek, lui, n'a pas été dupe puisqu'il a fait emprisonner Ho Chi Minh. C'est juste. Pour Luo Mindong, Ho Chi Minh, qui ne portait pas encore ce nom, restait un communiste. Et c'est en tant que communiste qu'il a été arrêté. Mais là encore, ses amis du FB3 vont intervenir. Mais expliquez-moi ça. C'est un peu compliqué, mais enfin, je vais essayer d'être clair. Allez-y. Pendant que le futur Ho Chi Minh est en prison, le Kuomintang suscite la formation d'un mouvement concurrent du Viet Minh, le Dong Minh. C'est une ligue qui regroupe les nationalistes indochinois qui ne sont pas communistes. Et on nomme à la tête de ce nouveau mouvement un vieux nationaliste exilé en Chine depuis des décennies. C'est un coup dur pour Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, qui, je vous le signale, va justement devenir Ho Chi Minh pendant son incarcération. Oui, c'est un coup dur. Mais le rusé Ho Chi Minh réagit très vite. Et de sa cellule, il demande à ses partisans d'adhérer à ce Dong Minh. Alors, soyons précis, le Viet Minh rejoint donc le Dong Minh. C'est cela. C'est de l'entrisme. Bien évidemment. Si le Viet Minh agit ainsi, c'est pour contrôler à terme le Dong Minh. Et c'est là qu'interviennent les membres du FB3. Alors, racontez-moi ça. Alors. Le vieux nationaliste qu'on a placé à la tête du Dong Minh se montre assez rapidement défaillant. Ah oui, je vois, il faut donc le replacer. Et les agents du FB3, très bien introduits dans les milieux du Kuomintang, proposent que Ho Chi Minh soit son successeur. Mais attendez, Ho Chi Minh a été mis en prison par ces mêmes Chinois du Kuomintang. Sans doute, mais celui qu'ils ont emprisonné est devenu Ho Chi Minh. Celui qui éclaire. Un homme très mystérieux qui jouit par ailleurs d'un immense prestige chez les nationalistes vietnamiens. Enfin, tout de même, ce changement de nom, ça ressemble à une supercherie. Oui, vous avez raison, mais il y a aussi l'argent. Et quand FB3 propose des dizaines de milliers de dollars au général chinois qui a la garde de Ho Chi Minh, l'affaire est vite réglée. Et l'origine de cet argent? Des Américains encore, c'est-à-dire l'OSS de William Donovan, son créateur et premier directeur. Alors d'après vous, Ho Chi Minh doit sa libération aux Américains? Absolument. Dans un livre très documenté paru chez l'Harmattan en 1994, Les chroniques secrètes d'Indochine, Gilbert David évoque très précisément les efforts de FB3 pour faire libérer Ho Chi Minh, emprisonné au Guangxi, sous la garde du général Chiang Fa-kuei. Et il parle de l'action d'un agent de l'OSS, un certain Austin Glass. Je cite Gilbert David. À la tête du Dong Minh, le vieux cynisé Nguyen Ai Tan se révélait d'une telle inefficacité que ses protecteurs du Kuomintang durent envisager de le remplacer. Par qui? À la demande du communiste Kishi Yamamoto, il s'agissait aussi d'un agent de FB3, Austin Glass se risqua de suggérer à l'entourage de Chiang Kai-shek un nom totalement inconnu, Ho Chi Minh. Qui était-il? Un Vietnamien capable de rassembler et de dynamiser les divers partis antagonistes, répondit Big Phil Callagher, le chef de l'OSS en Chine. Où nichait cet oiseau rare? Quelque part au Guangxi. Interrogé par son gouvernement, le général Chiang Fa-kuei se garda de révéler qui était exactement et où se trouvait l'individu recherché. Après avoir empoché la contre-valeur des 200 000 dollars américains promis par le major Austin Glass et versés par le major Laurie Gordon, le gouverneur militaire du Guangxi informa le Kuomintang qu'il avait réussi à prendre contact personnellement avec Ho Chi Minh. Dans son rapport à son gouvernement, il qualifia cet Ho Chi Minh de remarquable et de nationaliste. Il l'estima tout à fait apte à diriger l'espionnage et l'agitation dans nos anciennes marches du Sud. Le général parle ici, bien sûr, de l'Indochine. Tout allait d'autant mieux que l'intéressé s'était déclaré volontaire pour diriger le Don Min. Joli tour de passe-passe. Mais comment expliquer cette aide inespérée que les Américains ont alors apportée à Ho Chi Minh? La première raison, enfin la plus évidente, c'est qu'ils considéraient que le leader révolutionnaire serait à même de les aider à combattre l'ennemi japonais. La deuxième raison, moins avouable, mais elle correspond parfaitement aux objectifs poursuivis par FBC. C'est la lutte anticolonialiste. Bien entendu, les dirigeants américains, mais nous allons en reparler longuement, désiraient qu'à l'issue de la guerre, il en soit fini de la mainmise française sur l'Indochine. C'était un objectif vertueux ou philosophique ou bien... En politique, on est rarement philanthrope. Ah. Ce que voulaient les États-Unis, c'était aussi l'ouverture de ces marchés prometteurs après la guerre. Ouais, j'ai compris. J'ajoute, pour être absolument impartial dans cette affaire qui nous touche de très près, que les agents de l'OSS en place n'étaient pas très favorables aux Français. Et pourquoi? D'une part, parce qu'ils nous reprochaient d'avoir été aussi facilement et aussi honteusement vaincus en 1940. Ouais. Et d'autre part, parce que la politique suivie par les autorités françaises en Indochine leur paraissait scandaleuse. Ouais, c'est-à-dire la collaboration avec les Japonais. Oui. Alors c'est évident, la sympathie de tous ces types allait plutôt spontanément aux Vietnamiens. Ouais, contre les Français. Alors, revenons à Ho Chi Minh. Est-ce que son action à la tête du Dong Min donne satisfaction à ses libérateurs? Pas tout à fait. C'est-à-dire? Avec les armes qui lui sont fournies par l'OSS, les partisans de Ho Chi Minh, qui entre parenthèses a quitté la Chine et est passé clandestinement au Tonkin, donc ces partisans tendent bien quelques coups de main contre les Nippons, mais l'essentiel de leur activité consiste plutôt à attaquer les troupes et les colons français. Des actions de guérilla. Oui. Ouais. Et menées alors avec des armes fournies par les Américains. Hein? Oui. Alors à force, ça finit par créer des difficultés, surtout avec FB3, car ne l'oubliez pas, il y a des Français dans cette organisation secrète. Et des officiers. Et certains gaullistes en particulier vont rompre avec FB3 justement à cause de cela. Car ces gaullistes ne veulent pas entendre parler d'une remise en cause de la tutelle française sur l'Indochine, c'est ça? Ils ne sont pas hostiles à une émancipation de l'Indochine, mais dans un cadre français, ce qui sera plus tard l'Union française. Et puis il y a cette guérilla contre nos compatriotes qu'ils ont du mal à approuver. Oui, ça se comprend quand même. Mais les Américains qui comptent sur Ho Chi Minh pour lutter contre les Japonais, comment réagissent-ils? Là aussi, il y a parfois du tirage. Et à plusieurs reprises, les agents de l'OSS menacent le Viet Minh de cesser leur livraison d'armes. Ouais, parce que maintenant, c'est le Viet Minh, c'est plus le, comment dire, le Don Min, c'est ça, non? Oui. La fiction du Dong Min a fait long feu et Ho Chi Minh s'impose peu à peu comme le leader incontesté. Et le coup de force des Japonais en mars 1945 va encore renforcer sa position. Le coup de force dont vous parlez, là, c'est la mainmise totale des Japonais sur l'Indochine, c'est bien ça? Oui, avec une rapidité extraordinaire et une sauvagerie qui ne l'est pas moins, l'armée nippone s'empare du pouvoir, neutralise ou élimine physiquement les représentants des autorités françaises. Et les troupes aussi, naturellement. Cela n'a malheureusement pas été trop difficile, vu la confusion qui régnait dans les rangs français, divisés entre les vichistes toujours présents et les envoyés du général de Gaulle. Enfin, ça c'est une autre histoire. Et c'est Ho Chi Minh qui va profiter de la situation? Incontestablement. L'un de ses deux ennemis, la France, a disparu corps et bien. Il ne reste plus que l'armée japonaise. Et le Viet Minh compte bien être désormais un interlocuteur incontournable pour les Américains. Mais dans la lutte contre les Japonais? Naturellement. Le Viet Minh peut fournir des renseignements, mener des actions de guérilla, bref, les nationalistes vietnamiens s'estiment indispensables, les seuls résistants. Ouais, parce qu'il y en a d'autres, des résistants? Les Français, ceux qui n'ont pas été liquidés ou arrêtés. À Paris, on essaie aussi d'organiser la résistance contre l'occupant japonais. Ho Chi Minh doit donc les doubler, si vous me le permettez cette expression. Et une nouvelle fois, l'oncle Ho va user de tout son charme et de toute sa ruse. Expliquez-moi alors comment il va procéder. Bien d'abord, Ho Chi Minh demande à rencontrer un important chef militaire américain. En fait, ce qu'il cherche, c'est obtenir la reconnaissance par les États-Unis de son mouvement comme l'unique représentant du peuple vietnamien. Et il ne va pas ménager ses efforts. Il rencontre effectivement ce chef militaire? Oui. Il s'agit du général Cheneau, qui est alors le patron de la 16e Air Force. Et Cheneau, qui a été membre, si je vous ai bien entendu, de FB3, mais il vous dit donc l'entrevue n'a pas dû être trop difficile à obtenir. C'est vrai, d'autant que les maquisards du Viet Minh viennent de sauver un pilote de Cheneau, abattu par la chasse japonaise. Alors l'entrevue a lieu, en Chine, au QG du général. Et elle se passe le mieux du monde. Ho Chi Minh rappelle les exploits de Cheneau à la tête de ses tigres volants. Ouais, ce qui ne peut pas manquer de flatter le général. Tout en affirmant à Cheneau qu'il n'est pas communiste, mais seulement nationaliste. Ho Chi Minh demande une faveur au général américain. Des armes, des équipements, des médicaments. Là, vous n'y êtes pas du tout. Il demande une photo dédicacée du général. Photo? Ça semble un peu puéril, ridicule, mais... Eh bien non. Alors, expliquez-moi. Dès qu'il revient au Vietnam, Ho Chi Minh s'empresse de montrer cette photo à tous ceux qui contestent encore son autorité ou la prééminence du Viet Minh. Et il leur dit, voyez, je suis l'ami des Américains, leur meilleur allié. C'est assez fort, en effet. Et ce n'est pas fini. Car Ho Chi Minh a tellement conquis les Américains que bientôt ceux-ci, dans les opérations clandestines anti-japonaises de l'OSS, substituent des hommes du Viet Minh aux résistants français. Et des instructeurs de l'OSS vont même collaborer avec les maquisards vietnamiens. Et à aucun moment, alors, les Américains n'ont de doute sur les convictions profondes de Ho Chi Minh. Ils ne sont quand même pas complètement naïfs, enfin. Ils le soupçonnent d'avoir au moins des sympathies pour les communistes. Mais pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, ils continueront encore longtemps de le soutenir. Et même après la reconquête de l'Indochine par la France, et donc le début de notre guerre d'Indochine... Ouais, notre guerre d'Indochine, ouais. Enfin, c'est quand même la guerre froide qui va tout remettre en cause. Ouais. Évidemment. Peu à peu, les Américains vont comprendre qu'ils ont été trompés et manipulés. Mais il faudra attendre l'élection du président Eisenhower en 1950 pour que les États-Unis s'engagent clairement aux côtés de la France et l'aident matériellement dans son effort de guerre, au nom de la fameuse théorie des dominos. Si un domino tombe, il entraîne automatiquement les autres. Et si un pays du sud-est asiatique devient communiste, les autres suivront. Et moyennant quoi, après notre départ d'Indochine, les Américains s'enfonceront progressivement dans ce désastreux conflit. Mais c'est l'oncle Ho, l'ancien ami ou prétendu tel, qui finira par les vaincre. Ho Chi Minh, l'ami des Américains. Oui, cela paraît surprenant, mais avec un machiavélisme certain. Le leader vietnamien, n'en pas douter, s'est servi des Américains et de leurs dirigeants, Roosevelt et Truman. Roosevelt, surtout. Dans le livre de Philippe Franchini, que j'ai déjà cité, l'auteur cite ces propos du président américain, relatés par son fils. En vertu de quoi le Maroc, peuplé de Marocains, appartiendrait-il à la France et l'Indochine? Cette colonie est maintenant au pouvoir du Japon. Or, pourquoi le Japon était-il si sûr de conquérir ce pays? Parce que les indigènes étaient si opprimés qu'ils se disaient « tout vaut mieux que de vivre sous le régime colonial français ». Un pays peut-il appartenir à la France en vertu de quelle logique, de quelle coutume et de quelle loi historique? Et le président avait ajouté, pour clore la conversation, « quand nous aurons gagné la guerre, je travaillerai de toutes mes forces pour que les États-Unis ne soient amenés à n'accepter aucun plan susceptible de favoriser les ambitions impériales de la France. » À l'évidence, Ho Chi Minh n'ignorait rien des sentiments du président américain et il les a utilisés au mieux, allant même jusqu'à flatter publiquement les États-Unis. Ainsi, en août 1945, alors qu'Ho Chi Minh arrive triomphalement à Hanoï après la reddition japonaise, chacun note la présence d'Américains dans la foule, des hommes qui ne peuvent pas ne pas être frappés par les premiers mots de son discours. Tous les hommes sont nés égaux. Le Créateur nous a donné certains droits inviolables, le droit à la vie, le droit d'être libre et le droit au bonheur. Et l'oncle Ho, d'ajouter, à l'adresse de la foule, c'est une citation de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Tel était donc l'homme qui deviendra plus tard l'adversaire le plus résolu des États-Unis et qui leur infligera, avec ses compagnons, la défaite la plus cuisante de leur histoire. Je voudrais par ailleurs vous recommander la lecture de la formidable saga de Lucien Bodard sur la guerre d'Indochine, la nôtre, récemment republiée en un seul volume chez Grasset. Et puis, il y a quelques semaines, Jacques Danois, un des meilleurs connaisseurs du Vietnam, a publié un très beau livre sur ce pays qu'il aime depuis si longtemps. Son livre raconte le Vietnam d'aujourd'hui et le choc des générations entre tradition et modernité. Intitulé « Le désarroi de Confucius », il est édité chez Fayard. Je vous le recommande chaleureusement. À samedi prochain. Et je vous rappelle que vous pouvez nous joindre sur internet www.franceinter.com. Vous pouvez aussi réécouter cette émission.